zona. Yeah, no. Je reste concentré en mode guerre, plus de frères, je garde la tête froide, je ferai aucune marche arrière. Viens pas dans ma tanière, lionceau, où je te nique ta mère. Te refais le portrait sans pinceau, légitime cassage dans le combat. Jujitsu clé de bras placé, homoplata, zen passé. Patate de rap, sauce, gourdasos, ta fantasia, je vais l'effacer. Boum, t'as vu un flash vénère. C'est l'éphémère sac, je te kick la putain de ton père. Balayette ta vie de danser, c'est l'heure de pioncer. Allez hop, mets-toi de côté, prends le meilleur, toi t'es rincé. Bâtard, retour dans les bars, te taper une barre. Avec nous c'est d'art à taille, un tour dans la cave. Mets ton string, enlève tes gants de boxe. Va combattre un tox, pas les barbares. Tout va trop vite, pas d'autre parler, ici c'est trop speed. Fantastique, homme élastique. Goûte au sol, bâtard. Goûte au sol, bâtard. Pas aux techniques, tout va trop vite. Pas d'autre parler, ici c'est trop speed. Fantastique, homme élastique. Goûte au sol, bâtard. Goûte au sol, bâtard. Chichi katamé en plein sol, tu t'es rétamé. Tu fais plus la folle, désarmé, t'es une pute allée. Arts martiaux dans les veines, ça a nous cette année. Braille, braille, bye, bye, bye, t'as perdu ton nez. Tayoto, j'ai hippon, apchagi. Uppercut, gauche, droite, arc, à toucher. J't'ai déjà dit, tête à tête, t'es de la baisse. Coup de slack à dans la narine. Crazy boys for life, t'es de la baisse. Fougueux, fouleg, fou. Poulette, roulette, russe. Abuse des petites zoulettes. T'as peur de skin, réel, plane. Mets la tête sur les épaules quand même. Et pas tout net. Ils veulent niquer nos bails avec des mythomanes. On va foutre le bordel dans la capitale. Étranglement en triangle. Et on repart en brillant. Technique, tout va trop vite. Pas tant de parler, ici c'est trop speed. Fantastique, homme élastique. Goûte au sol, bâtard. Goûte au sol, bâtard. Au technique, tout va trop vite. Pas tant de parler, ici c'est trop speed. Fantastique, homme élastique. Goûte au sol, bâtard. Goûte au sol, bâtard. Demande à Alex, Youssouf, Amine. T'es pas l'aise, tu goûteras le sol sans vitamine. Vous êtes beaucoup, mais en solo, j'te pine, copine. Fais pas nerveux, j'ferai de toi une meuf docile, l'ami. Ça fait l'unanime. J'ai la bûche éclair, la gauche fou droit. Si j'passe en mode déter, j'irai tout droit. Corps à corps, j't'étouffe avec le thorax. Arrête, connasse, de jouer le mec hardcore, c'est ouf. Tu te sens pousser des couilles. Quand t'es en équipe, t'es prêt pour la partout. Mais tu pourrais te manger une bite. À la Spiderman, j'te fais goûter le mur, ordure, little man. On est parti pour le randori. Si je perce ta garde et que j'engolerie, t'es vraiment de la baisse. Signal d'Est, l'ami, c'est le retour du Tunsi, le plus acharné de Paris. Technique, tout va trop vite. Pas tant de parler, ici c'est trop speed. Fantastique, homme élastique. Goûte au sol, bâtard. Goûte au sol, bâtard. Technique, tout va trop vite.